Selon News 6 de Corée du Sud, des centaines d'habitants de l'arrondissement de Songju et de la ville de Kimcheon de la province du Gyeongsang du Nord ont déposé le 8 courant à la Cour constitutionnelle une demande de mesures provisoires pour arrêter l'introduction des équipements du SAD par le gouvernement.